Avant de vous proposer ci-après les extraits enregistrés d'un amour de Swann, je dois vous avouer que je n'ai jamais eu autant de scrupules à ramener à une petite heure un texte aussi riche et aussi subtil qui compte 250 pages environ. En effet, lorsque Marcel Proust écrivit « À la recherche du temps perdu », c'était pour être lu avec le texte sous les yeux et non écouté sans support visuel à partir d'un enregistrement comme celui que je vous propose ci-après. Cette entreprise est d'autant plus hardie et plus ambitieuse que la longueur et la sinuosité de certaines phrases proustiennes qui épousent admirablement les replis les plus profonds de l'âme humaine ne facilitent pas la lecture à haute voix. Je vais m'y risquer tout de même, mais pour vous en faciliter l'écoute, je n'hésiterai pas à multiplier les fichiers audio plus souvent que lors de mes autres enregistrements, notamment après une longue phrase, de telle façon que vous puissiez immédiatement la réécouter, si besoin était, comme vous pourriez relire le texte imprimé si vous étiez vous-même le lecteur ou la lectrice. Bonne audition.